Monsieur, cherche un date, on a ce soir, il sort le job. Mademoiselle s'est fait des plaques, elle a mis la robe des boucles d'or. Papa pi la papa la la, papa papa papa la la, papa pi papa papa la la, papa papa la la. Je sais que je sors l'été, je profite sur RTT et je touche le RSA. Mademoiselle dit je voyage l'été, elle s'est refait les tétés. Nicky dit tiens c'est trop pé, alcoolisé sur le voilier. Monsieur salut je sais, mademoiselle est belle. Les deux sont bien seuls, ils pensent qu'à faire la fête. Malgré toutes les galères, il reste toujours à peace and love, love, love. Monsieur s'est mis en place, il a investi, fait tourner sa monnaie. Madame est en possible. Mademoiselle ne donne pas son snap. Elle connaît tous les vices, les hommes et les inconnus. Ouais, ouais, lui, il dort pas. Il se défoule et s'amuse toute la nuit. Mademoiselle se fait désirer. Monsieur a le cœur déchiré. Le soir, il fait des virées pour se changer les idées. Mademoiselle se fait désirer. Monsieur a le cœur déchiré. Le soir, il fait des virées pour se changer les idées. Je dis, je sors l'été. Je profite sur RTT. Et je touche le RSA, mais je loue des RSIS. Mademoiselle dit je voyage l'été, elle s'est refait les tétés. Nicky dit tiens c'est trop pé, alcoolisé sur le voilier. Monsieur salut je sais, mademoiselle est belle. Les deux sont bien seuls, ils pensent qu'à faire la fête. Monsieur pète la dompe, parce qu'il s'est fait tromper. Mademoiselle veut pas d'un mec banal, elle veut les dompter. T'as déconné. Maintenant voilà, on sait que t'es bonne, pas la peine que tu te montes quand on te voit là. J'sais qu'elle m'écoute dans le taxi, j'sais qu'elle est en jalouse en faisant des selfies. Il fait des sous, il s'associe, il est maxou, cigare dans le jacuzzi, il se met sous. Aïe, monsieur monte son or, il veut impressionner. Mademoiselle sort dehors, tout le monde veut son téléphone. Ouais, monsieur s'amuse et n'a plus sommeil. Il va claquer tous ses sous, il en faut encore. Elle veut la nuit de noces, la vie de rêve. Elle s'est fait sexy, elle a mis du gloss. Monsieur dit je sors l'été, je profite sur RTT. Et je touche le RSA, mais je loue des RSIS. Mademoiselle dit je voyage l'été.